sortie le 29 décembre. Je vais être en formule trio rock comme Rush, mais ayez pas peur, il y aura pas de solo de drum. Fait que c'est ça, mon oncle Serge à l'Anti les 26 et 29 décembre, billets chez Exo, lepointdevente.com, tous les détails sur Internet. Rock on! Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock pour le rock progressif, ou enfin, une convergence de rock progressif pendant 2 heures. Ce soir, Bruno et Michel, donc installez-vous confortablement et on va partir, ça ne sera pas long. Je veux juste vous parler un peu de... Là, c'est la fin de l'année, on est rendu en décembre et on est en train de monter nos palmarès. Des albums 2018, je pense qu'on va faire probablement les 15 premiers, comme on dit en anglais, un top 15. Et puis, on vous invite, auditeurs, à nous faire parvenir votre choix pour les 15 meilleurs albums progressifs de 2018. Vous pouvez envoyer vos palmarès à Terra Incognita, barre soulignée, ou comme on dit en anglais, underscore, ckrl@commercialhotmail.com. Donc, on vous invite à nous envoyer vos palmarès des meilleurs albums de 2018. Et on va tout compiler ça, puis le 12 janvier, on va revenir avec les résultats. On va aussi placer l'annonce sur la page Facebook de Terra. Donc, vous pourrez aussi vous rendre sur la page Facebook si vous voulez envoyer vos palmarès de cette façon. On va aller faire un petit tour du côté de l'Angleterre pour commencer cette émission avec un groupe que j'aime beaucoup, Cripple Black Phoenix. C'est le tout nouveau Great Escape et c'est la pièce Great Escape Part 2. Et je vous promets qu'on a de la bonne musique jusqu'à minuit. limit of the absurd. Everything moves, staying still on the planet of the absurd. Everything moves, staying still. Hello, this is Fabio Zuffanti. You're presently listening Terra Incognita, the progressive reference of Quebec City. See you in May in Quebec City. Thank you. sei? Dove sei? Forse santità, forse santità. Come parenti alla lontana, una vaga somiglianza. Naturalmente tu sei molto meglio, non si discute, ma tutta un'altra storia.

Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. De retour, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait, pour conclure le premier bloc, il y avait Oak, groupe norvégien, de l'album False Memory Archive, c'est leur plus récent. Et puis, ben, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que Oak sera de la 15e édition du Festival Terra Incognita en mai prochain au Centre d'art La Chapelle. Ils vont avoir le plaisir et l'honneur d'ouvrir pour Bjørn Riis le vendredi 17 mai. Les billets sont en vente depuis un moment. Il en reste encore. Donc, si vous avez le goût d'assister à une merveilleuse fin de semaine de rock progressif, ben c'est le 17, 18 et 19 mai au Centre d'art La Chapelle, avec aussi Finistère, qu'on a écouté tout juste avant, de l'album La Mécanica Naturale, probablement un de leurs sommets. Et c'était la pièce La Perfectionne. On va vous rappeler que Finistère est le groupe est le dimanche 19 mai, toujours dans le cadre du festival. Et c'est un des rares concerts que le groupe présente, et puis ça va être le seul en Amérique du Nord. Parce que le groupe ne présente pas beaucoup de concerts. Il est inactif sur disque depuis, mon Dieu, belle lurette. On parle au moins de 18. Je ne me rappelle plus exactement la date de la Mécanica Naturale de parution, mais ça fait une mèche. Il a été question à un moment donné que le groupe présente un album en concert, mais ça a l'air que le projet est un peu mis sur la glace. On ne sait pas trop. Fabio Souventi me disait qu'il y a peut-être un peu de difficulté à convaincre les maisons de disques de sortir un disque en concert par les temps qui courent. C'est de valeur, parce que j'en ai entendu des extraits, puis en tout cas, à tout le moins, nous, on va les voir le 19 mai au Centre d'art La Chapelle. Et puis avant, ben, on était toujours en Italie avec Moon Garden, de leur tout nouveau Align to the Universe. Et on avait ouvert avec Cripple Black Phoenix, The Great Escape Part 2. On est en Norvège tantôt avec Oak. On reste en Norvège avec une nouveauté. Un disque qui est paru sous le nom de Mythopoeic Mind. L'album a pour titre Mythopoetry. Et c'est le projet du saxophoniste d'un groupe qui a pour nom Panzer Papa. Peut-être que ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est son premier essai là, sous ce nom-là, là, Mythopoeic Mind. Et j'ai bien aimé. On écoute donc cette nouveauté norvégienne. the muscles of my dreams took us on. Listening to the scream. Face. of a sort of fight. People kept coming, the square was too small, the crowd there was getting too tight. Skipped through an alley of calm, laughingly arm in arm. We didn't sense any dangers ahead, cause that fight was a risk charm. Soon it was all too late. We had been struck by a fierce looking lot, faces that shone of hate. Close on us like a knot, out of the deepest dark. A man or a beast came, I swear it is true, reminding me of a shark. I feared that his bite would be worse than his bark, swift as an arrow to air. He grabbed you by your hair, dragged you along as he shouted to me, come get your girl if you dare. What to do? Inside me, keep shouting at me how I rue that I would run away when you needed me more. Yes, it's true, I was a coward and on a less kid. I've missed you. Just as I spun around, playing headless away, carnival life. Feel the drum sounds from the dark sky, laughter and tears. Animal free, fight them on clouds here in Gabon. When I finally reached the harbor, you were standing by the boat. You stood up against the evil, yet you didn't even gloat. But the love that you gave me said it all. Sailor's disgrace is what I must face into the dim green sea. I gave differently as memories haunt me like a nightmare with ghosts who taunt me for my just have to face it. Ouais, on avait en quelque sorte un bloc norvégien parce que ça nous vient tout. Les deux groupes nous proviennent de Norvège. On avait donné le coup d'envoi avec Mythopoeic Mind de l'album Mythopoetry. L'autre, je pense que je vais le massacrer, mais il m'écoute pas, donc c'est pas si pire. Je pense qu'on prononce ça comme Swifen Eol. Mais sous réserve, je vais vous le dépeler parce que j'ai jamais vu ce mot-là, Bruno, puis tu peux bien rire. S-W-I-F-A-N. Swifen Eol. E-O-H-L. Ça ressemble pas du norvégien, enfin, je pense pas. Bon. Et c'est pas tout. Bon, c'est Swifen Eol and the Mudra Core. C'est, oui. Bruno, il hoche de la tête. Et l'album s'appelle The Key. Ça, c'est plus facile. La clé. Ça vient tout juste de sortir, ça aussi. Deux nouveautés norvégiennes. La Norvège est vraiment, là, je pense que c'est rendu l'épicentre du prog avec l'Italie. C'est même pas la Suède, c'est même pas la Scandinavie. On parle directement, c'est de la Norvège. Et puis, ben, mon Dieu, on est sur le point d'entreprendre notre dernière heure. On va aller faire un petit tour. Ça, on n'y va pas souvent. En Espagne, ça vient de sortir un groupe que je ne connaissais pas. Je pense que c'est probablement leur premier essai. El Tubo Elástico. Musique instrumentale. Il y a un petit peu de King Crimson dans le nez. D'ailleurs, on parle d'influence. Vous avez probablement remarqué que Swifen Eol, je pense qu'on écoute un peu de vieux Yes. Bruno me disait, ben, peut-être aussi un peu de Eloy et de Grabschnitt. Peut-être, effectivement. On peut relier ça aussi. Mais on va revenir à nos moutons. El Tubo Elástico. De l'album Impala. C'est ce qu'on va écouter tout de suite après la pause. Allez-y, allez-y, tant que vous pouvez, continuez encore, continuez toujours. Bien. Reprenez, souffle. CKRL Communication. .qc.ca Culture. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot. Le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Disponible maintenant partout, édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. ed è antico al nostro. We'll be right back. Oh!

suis un disque. Oh là là là. C-K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Il y a du monde récemment à Québec qui ont comparé le troisième lien avec une ligne de poudre. Encore des propos qui vont renforcer les préjugés contre les toxicomanes. Si comme moi, ça vous choque, venez vous défouler au show de Mon Oncle Serge les 26 et 29 décembre prochains au Bar Lanty à Québec. Ça va être deux soirées rock où Mon Oncle Serge va vous chanter des tunes de ses nombreux albums en vente en magasin puis en ligne. Un achat en ligne, d'ailleurs, c'est comme une belle ligne de poudre bien drette. On peut faire ça avec une carte de crédit. Fait que c'est ça, les 26 et 29 décembre prochains, c'est Mon Oncle Serge en de retour. Ce qu'on a entendu avant la pause publicitaire, c'était un groupe britannique qui a pour nom ESP, E.S.P.2.0. C'est ça, ESP 2.0, excusez. Et c'était un extrait de l'album 22 Layers of Sunlight. Bruno me faisait remarquer que vers la fin, c'était une belle finale à la Genesis. Et j'abonde dans son sens. Et ça me faisait penser aussi un peu là, à du Flower King par bout là, au début. Mais c'est un excellent album, donc ESP 2.0. Avant, on avait. Ça, c'est. Il y a beaucoup de points ce soir. Là, O-A-K, mais c'est O.A.K. Point, un groupe italien qui nous est arrivé cette année avec un excellent disque, le Giordano Bruno. Cette fois-ci, c'est un extrait de Viandanze et c'est la pièce Gio Bilo. On reste en Italie avec Tacita Intesa, un nouveau disque qui a pour titre Faro. Traduction en français, c'est phare. Et on revient avec nos Espagnols de El Tubo Elastico qui ont donné le coup d'envoi de l'album Impala. On va retourner en Italie. Je pense que les gens savent qu'on a un petit préjugé. Une nouveauté, ben, plus ou moins, c'est pas récent de cette semaine, mais c'est récent, la Coscienza di Zeno. De l'album Una Vita Migliore, c'est la pièce titre et c'est notre dernière demi-heure. Il reste encore plein de bonne musique. C'est Michel et Bruno, Terra Incognita, sur les ondes de CKRL 89.1. Sempre più largo per te. si avvicina al garrito più molesto e al più presto devi andare via da qui. Accovacciata dietro al televisore, una vita migliore tu la vuoi, una vita migliore tu la vuoi. Battè While there seems to be harmony.

Ça termine en beauté, ça nous vient du Connecticut. Le groupe a pour nom Heads with Wings et c'est l'album From Worry to Shame. Avant, on était en Norvège avec Ring Van Mobius. Ça sonnait King Crimson. Bruno en pouvait plus. C'est... Il y avait des frissons partout. Donc, l'album Past the Evening Sun, Ring Van Mobius. Et on avait donné le coup d'envoi de ce dernier bloc avec La Vita Migliore de La Coscienza di Zeno. C'est déjà le temps de vous souhaiter une bonne fin de soirée sur les ondes de CKRL.